Bien. Merci de me donner la parole. Merci aux organisateurs. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Dans les années 1660, la théorie des genres a connu un renouvellement important. Parmi d'autres, les travaux de Karl Dallaus et Leo Schrad ont mis en évidence le rôle joué par les contextes sociaux et institutionnels dans l'émergence et la cristallisation des genres musicaux. Si leur réflexion fournit un cadre théorique incontournable, ma communication doit beaucoup à deux autres lignes directrices de la recherche sur les genres. Des recherches menées en littérature sur la dimension communicative du genre, qu'il assimile à un contrat entre l'auteur et le lecteur, et qui ont commencé à imprégner certains travaux musicologiques consacrés à l'époque moderne, des travaux par exemple de Mauser en 2005 ou d'Anthony Del Donà en 2008. Et surtout, l'ouvrage très dense de Wolfgang Marx, Classification Gattungsbegriff in der Musikwissenschaft 2004, qui s'inspire des réflexions de Foucault sur les systèmes d'éléments dans les mots et les choses, pour montrer comment les spécifications génériques prennent sens dans une classification, c'est-à-dire un système cohérent et hiérarchisé. Les années 1660 se caractérisent en France par l'établissement d'un système pyramidal des genres, dominé par deux grands genres élaborés dans l'entourage du roi et pour le roi, l'un sacré, le motet à grand cœur, l'autre profane, la tragédie en musique, qui traduit une forte conformité entre la cour comme lieu, comme entité sociale et comme structure génératrice de valeurs. La fin du règne de Louis XIV est marquée par une circulation des genres, transposés ou adaptés à des lieux pour lesquels ils n'avaient pas été initialement conçus. Phénomène dont la création du concert spirituel en 1725 a pu être interprétée comme une forme d'aboutissement. Sans chercher à produire une nouvelle définition des foyers ou tenter de modéliser leur fonctionnement, mon propos consistera simplement à mesurer la capacité des foyers à modifier ou à réorganiser le système des genres et, le cas échéant, à envisager les conditions dans lesquelles cette dynamique fut possible. Je m'appuierai sur deux exemples, le motet, particulièrement ce que la musicologie appelle couramment le petit motet, par opposition au grand motet, alors qu'aucune de ces deux dénominations génériques n'était en usage à l'époque, et la musique spirituelle, catégorie générique large, qui apparaît à la fin du XVIIe siècle pour englober les productions religieuses de langue française. Deux remarques préliminaires, ces deux appellations sont problématiques, elles englobent des réalités très différentes, et leur étude suppose l'élaboration d'une méthodologie spécifique, à quelques exceptions près. Ces deux genres échappent à l'association entre intimité et publicité orchestrée qui marque les grands divertissements. Je m'attacherai surtout aux deux premières questions proposées dans mon résumé. Que devient le potentiel programmatique et communicatif de ces deux genres lorsqu'ils circulent d'un lieu à l'autre? Dans quelle mesure restent-ils porteurs d'une identité liés à leurs institutions et leur sociabilité d'origine, ou se chargent-ils de significations nouvelles? En quoi, inversement, l'intégration à des lieux et des espaces nouveaux et la validation dont ils font l'objet modifient-elles les valeurs culturelles de ces sociabilités? En conclusion, je m'attacherai à évaluer la dimension créative et dynamique des foyers et les conditions qui rendent possible cette dynamique. Bien sûr, ces conditions seront sujettes, évidemment, à discussion. Depuis la fin du XIXe siècle, la circulation du motet en France s'appuie sur l'idée d'une émancipation du genre, selon laquelle le motet sort du cadre liturgique dans les premières décennies du XVIIIe siècle pour devenir un morceau de concert. Cette lecture, focalisée sur la création du concert spirituel, selon une généalogie qui débute avec Brenet, Dufour, qu'on pourrait suivre jusqu'à maintenant, concerne aussi bien le motet à grand cœur que le petit motet. Pourtant, cette opposition entre liturgie et concert, dans l'approche sociologique du genre, doit être largement nuancée. Le motet de la deuxième moitié du XVIIe siècle s'inscrit dans une longue tradition de concerts de dévotion, c'est-à-dire d'une musique religieuse qui peut, en plus de sa fonction liturgique, être jouée en concert, voire être spécifiquement composée pour le concert. Le motet relève alors du registre antique de l'osium, régénéré par la modernité chrétienne. Des préfaces des recueils des mélanges de sujets chrétiens de Moulinier ou des recueils de Dumont, publiés entre 1652 et 1681, font largement référence à ce statut de divertissement dévot et à son exemplarité sociale. Elles portent une dédicace à un haut personnage, clair ou laïque, dont la dévotion est exaltée, et font parfois référence aux lieux et aux contextes dans lesquels ils furent donnés. Par ailleurs, les compositeurs y affirment la supériorité théologique de la composition de musique religieuse sur la profane, et y valorisent le travail, c'est-à-dire le déploiement d'une science de la composition, d'une recherche qui est consubstantielle à l'identité du genre. même si certains vantent l'adaptabilité du genre, la possibilité de jouer de manière plus simple, etc. 9 recueils de motets sur la quarantaine de recueils publiés entre 1682 et 1725, date de création du concert spirituel, furent dédicacés au prince par des compositeurs qui faisaient partie de leur clientèle. Plusieurs de leurs préfaces exaltent le lieu commun de la figure du mécène, arbitre du bon goût, amateur averti et arbitre des talents. Dans la tradition des motets de décennies antérieures, ce portrait se double d'une valorisation de la piété du dédicataire et dessine l'exemplarité d'un loisir dévot. Bernier, en 1703, adresse un de ses volumes de motets au duc de Bourgogne, dont il vante la profonde piété, le zèle ardent pour la vraie religion, mais aussi la connaissance de la musique. Je cite, « Vous en faites un de vos plus agréables amusements. Je m'estimerais trop heureux, Monseigneur, si vous avez la bonté de les agréer et si, dans les moments de votre loisir, vous daignez jeter dessus quelques regards favorables. » C'est le cas également des préfaces des deux livres de Campra, le deuxième livre, dédicacé à Louis-Antoine de Noailles, ou le quatrième, dédicacé à Monseigneur. Au contraire, d'autres recueils témoignent d'une redéfinition du genre à travers l'équilibre entre ses caractéristiques identitaires. J'en vois trois, étroitement mêlés dans les discours sur le motet des décennies antérieures, la dévotion, le divertissement, la science. Elles sont étroitement mêlées, par exemple, dans les deux recueils publiés par Brossard en 1695 et 1698. La dévotion y est clairement revendiquée dans la dédicace à l'abbé d'Auvergne, chanoine de Strasbourg, dans le premier recueil ou dans l'adresse aux dames religieuses du deuxième. La fonction de divertissement et la science, outre les développements de Brossard sur la composition, l'indutation et l'interprétation, que j'en connais très bien, s'incarne dans la formule agréable à tous les bons connaisseurs. A l'inverse, la dimension dévotionnelle est atténuée ou disparaît des pièces liminaires d'un certain nombre de recueils. C'est le cas dans le recueil de Morin en 1704, dédicacé au duc d'Orléans, qui vante uniquement ses connaissances dans les beaux-arts et ses vertus héroïques. Valette n'en dit pas un mot dans la préface de son recueil de 1711 dédicacé au duc de Noailles. Bernier, dans son deuxième livre de 1713, dédicacé au même, n'y fait non plus aucune référence, mais vante la valeur humanitaire dont le duc a fait preuve au siège de Gironde. Je cite « L'accueil favorable de votre grandeur a toujours fait à mes ouvrages que, pardon, l'accueil favorable que votre grandeur a toujours fait à mes ouvrages me fait espérer qu'elle voudra bien avoir pour celui-ci la même indulgence qu'elle a eue pour les autres. Après cela, j'estimerai mon travail bien récompensé si, dans les heures de son loisir, elle daigne quelquefois l'honorer de ses regards. » Même chose dans le volume que Jacques-Édouard dédicace au duc d'Orléans pour lui présenter les motets de Charpentier. « Nous osons nous flatter que votre Altesse royale ne refusera pas d'agréer et de protéger des ouvrages qui ont fait quelquefois le sujet de ses amusements. » Ce déséquilibre des trois caractéristiques identitaires du genre est encore accentué par la valorisation extrême de la science musicale et des questions de goût. Plusieurs préfaces proposent, à la suite du recueil de Brossard, des développements sur le rapport entre goût italien et goût français, avec des références précises à la terminologie de Brossard. C'est le cas de Lochon en 1701 ou de Suffren en 1703. Mais on y aborde aussi, parfois en détail, la question des chiffrages d'accords ou de l'accompagnement instrumental. À l'opposé de toute une esthétique fondée sur une relation éthique entre le compositeur et son public, dans laquelle le musicien se devait de dissimuler sa science, elle est généreusement partagée avec le public potentiel du recueil, à qui sont fournies de précieuses indications pour l'exécution des pièces, mais qui est aussi invité à partager le débat esthétique. Ce constat est valable pour d'autres recueils de la même période qui répondent aux mêmes critères musicaux et éditoriaux. Certains classés dans une rubrique moderne, dans le catalogue de Ballard en 1711, par rapport aux motets anciens publiés en partie séparée. Il s'agit des deux volumes de Compras, le livre 1 et 3, les motets de Jacques-François Lochon en 1701 ou les motets de Jacques de Bournonville en 1711. Plusieurs d'entre eux sont adressés à la double identité collective virtuelle des connaisseurs et des dames religieuses. Si la fonction liturgique du répertoire n'est jamais niée, mais tout au plus ignorée, on a si glissé de la valorisation des compétences musicales du dédicataire dévot, légitimé souvent par l'argument traditionnel du caractère divin de la musique, à un groupe abstrait dont l'écoute est centrée sur les qualités intrinsèques de l'œuvre. Lochon, en 1701, dit « Les savants les ont trouvés d'un si bon goût et les dames religieuses si propres à l'usage du cœur que j'ose me promettre qu'on leur fera un agréable accueil. » Sur le long terme, cette évolution de l'écoute a modifié la place du genre dans le système générique, comme le montre l'économie des catalogues de vente de 26 bibliothèques comprenant de la musique et publiées entre 1693 et 1776. Hein. Je n'ai pas eu le temps de faire figurer, enfin, ce n'est pas une question de temps, là, c'était une question de place. Je n'ai pas pu faire figurer tous les éléments concernant à la fois dans ces bibliothèques le nombre d'ouvrages consacrés à la théologie, consacrés à la dévotion, à l'histoire chrétienne, par rapport au nombre d'ouvrages généraux. Mais j'ai classé donc la question de la rubrication, dans quelle rubrique est notée la musique, le nombre de volumes de musique, et puis comment se répartissent par genre ces volumes, et enfin, combien de volumes nous avons de motets. J'ai mis les motets, ce qu'on appelle les petits motets et les grands motets en même temps. J'ai mis tous les motets. Donc il y a une liste que je pourrais vous transmettre si ça vous intéresse. Vous avez tout lu, là. Je refais dans l'autre sens si vous n'avez pas eu le temps. Alors, voilà, mais c'est pour vous montrer la méthodologie. J'ai bien conscience, d'abord, que le tableau est incomplet. Hein, dans le tableau que j'ai sur mon ordinateur, il y a plusieurs choses, mais ça prend trop de place. C'est pas très pratique. Ce qui me paraît intéressant, c'est le nombre total de volumes, le nombre de volumes de théologie et l'équilibre entre les cinq rubriques du classement traditionnel, hein, théologie, jurisprudence, sciences et beaux-arts, histoire, lettres. Et si je ne peux pas pousser l'analyse trop loin dans cette présentation, je voudrais souligner d'abord la grande variété des possesseurs. Ensuite, le fait que la musique, les motets, sont le plus souvent associés aux cantates ou à la musique instrumentale. Par exemple, dans le catalogue de Jean-Louis Barré en 1744, que vous voyez peut-être... C'est trop petit pour moi tout ça. Oui, ici, là. Voilà. Jean-Louis Barré, motets et cantates. On note 480 ouvrages de théologie sur 7672 ouvrages. Hein, ce qui ne figure pas dans le tableau, hein, ça ce sont mes statistiques. 460 ouvrages de théologie, 480 sur 7672. Hein, on a un certain nombre de volumes de motets qui sont dans une rubrique motets et cantates. Si on prend le catalogue en 1755, bien connu de Madame de Pompadour, on a motets, une rubrique motets et sonates. Et dans ce cas-là, on a simplement 84 ouvrages de théologie sur 3796 ouvrages. Généralement, le profil de la bibliothèque de ces possesseurs de motets est le suivant. Peu de théologie, peu ou très peu de littérature spirituelle. Hein. C'est le cas évidemment de la bibliothèque formidable de Bonnier de la Mausson, hein, que vous connaissez, hein, qui était le protecteur de plusieurs chanteuses de l'opéra, hein, un grand collectionneur, Bonnier de la Mausson, qui possède 32 ouvrages de théologie sur une bibliothèque de 3200 ouvrages, enfin sur un catalogue de 3200 ouvrages, ce qui est une toute petite proportion, mais énormément de motets, comme vous pouvez le constater, ceux de Bernier, Campras, Lalande, Blamont, Chéron, Gilles, Mouret et Lemaire. Autre point important, les collections se focalisent finalement sur quelques recueils, presque systématiquement ceux de Bernier et de Campras. Ils sont rarement associés à la musique spirituelle. Le seul cas est celui de l'archevêque de Lyon en 1691. Je ne reviens pas, si allons-y. Voilà, 1693. Les recueils de la génération des princes, j'appelle génération des princes, hein, disons début du XVIIIe siècle, sont privilégiés. Et ils sont rarement associés à des recueils antérieurs, ceux de Dumont ou Ligneau. C'est le cas seulement dans la bibliothèque de Galois, un grand érudit, hein, puisqu'il était rédacteur au Journal des Savants. Mais dans les autres cas, il y a une nette séparation entre cette génération et l'autre. Dans la plupart des cas, en tout cas, les motets ne sont pas les éléments d'une culture ou d'une pratique dévote, mais plutôt celle d'amateurs de musique. Je fais l'hypothèse que cette évolution des motets de l'écoute s'est en grande partie effectuée dans les foyers des princes, où l'invention est essentielle à la relation clientéliste d'un échange de gloire. Et là, je renvoie au très bel article que Don Feller a écrit dans notre volume sur le sublime. Un petit peu de publicité. Lors de la fête de Chantilly donnée le 25 septembre 1718, Monsieur le Duc reçoit la Duchesse de Berry. Le Vicomte de Tavannes, premier gentilhomme de la Chambre du Roi et commandant en chef de la province, hein, fait les honneurs à la Duchesse de Berry avec le Duc. Il s'agit d'une promenade dans les jardins, d'un labyrinthe, d'une collation, et qui se termine au centre du labyrinthe avec de la musique. On entend une cantate de Cochereau, le Mercure donne le texte de la cantate et poursuit. Ah non, ah, je ne l'ai pas mis. Bon. Le même soir, de retour au château, je cite, hein, le même soir, de retour au château, il y eut appartement. c'est-à-dire plusieurs tables de jeu et de musique. Monsieur Valette, maître de musique de la cathédrale de Senlis, y a fait chanter des motets à voix seule avec symphonie, qui n'ont pas moins plu que le reste. Et là, je voudrais insister sur le fait qu'on n'est pas dans le cadre de la dévotion, comme on l'a vu avec le cerf tout à l'heure, on avait bien un concert, hein, ou je ne sais plus, une émotion de dévotion, je ne me souviens plus la citation, mais qu'on est bien dans le prolongement de la cantate, et le Mercure édite le texte de la cantate, et immédiatement après, évoque le motet, qui a été joué dans un cadre qui n'est pas du tout un cadre dévotionnel. On peut comprendre aussi, ainsi, la réaction à cette évolution, et la dimension de contre-modèle que l'on perçoit dans le livre, par exemple, de Lamy, prêtre et maître de la cathédrale de Rouen. Lamy démontre une tension esthétique qui est aussi une concurrence des espaces et des systèmes de valeurs. Son recueil de cantates, petits motets à une, deux et trois voix et un cantique nouveau à deux chœurs de 1720, à l'usage des églises cathédrales, est dédicacé à l'abbé Bignon. Lamy nous explique « J'ai plutôt en vue d'édifier les fidèles dans nos églises que de plaire aux auditeurs. » Il donne sa conception de la musique d'église, qui est un, je cite, « juste tempérament de joie et de crainte ». Il juge la musique française plus convenable dans nos temples à l'italienne. Et surtout, il explique que ses motets sont faciles à exécuter. Il évite les ornements, les siens évitent les ornements, les roulades à perdre haleine, étendue commune. Il vante l'étendue commune des voix et le fait qu'ils soient bornés dans les fugues. Même chose chez l'Alouette en 1726, motet dédicacé à l'abbé Pajot, auquel l'Alouette dit « Vous qui distinguez si bien le vrai d'avec le faux et qui connaissez si bien les mouvements et les caractères sages et majestueux, que demande la musique d'église ?» Même chose chez Clérambault en 1733, « Les motets que j'offre au public ne sont faits que pour les dames religieuses. Il ne faut point s'attendre à y trouver beaucoup de travail. Je ne me suis attaché qu'au chant et à l'expression. » On peut aussi, à travers cette évolution, relire la question très importante des scandales de la fin du XVIIe siècle, vous savez, autour des leçons de ténèbres, de l'exécution des motets dans les couvents parisiens. Il y a un certain nombre de textes qu'on s'attache à publier depuis quelques années, et qui sont la conséquence d'une diffusion de ce nouveau modèle d'écoute dans certaines églises conventuelles parisiennes. La validation dont les motets ont fait l'objet dans les espaces nouveaux des foyers princiers ont modifié les valeurs culturelles et les modalités des relations intersubjectives entre les individus qui partagent l'écoute. Ces mutations ont suscité une résistance aux autorités ecclésiastiques, hein, qui est liée au comportement des chanteurs et du public, mais plus généralement à la question du plaisir musical, mais ont pu aussi bien contribuer à l'évolution de la sensibilité religieuse. Je prends maintenant le cas de la musique spirituelle, rapidement. Je serai plus rapide sur la musique spirituelle, sur laquelle j'ai déjà beaucoup publié. À l'époque qui nous intéresse, il existe évidemment une très forte tradition de musique spirituelle, qui est à la fois liée au divertissement des veaux et à la pastorale. Il existe une grande perméabilité de ces fonctions entre divertissement et pastorale, et aussi entre forme populaire et forme savante. Une grande adaptabilité des œuvres, même les plus savantes, qu'on peut jouer de différentes manières différentes. De différentes manières. Oups. C'est traître, cette boisson. Il existe aussi une grande perméabilité des espaces. On voit très bien qu'un certain nombre de recueils circulent entre les milieux protestants et catholiques. Ça a été étudié, évidemment, par Denis Lonnet. Et une grande diversité des styles, de la parajudie, beaucoup d'hétérogénéité dans les recueils même. La production de la musique spirituelle à la fin du siècle est marquée par le succès des airs spirituels de Bassilly, qui connaissent de nombreuses réductions, et par celle des productions sur les cantiques spirituelles de Racine en 1694. Les deux sont étroitement liés à leur milieu de production. Les salons dévots avec les airs spirituels de Bassilly. Bassilly met en effet les stances chrétiennes de l'abbé Tétu, publiées pour la première fois en 1669, et qui connaîtront de très très nombreuses rééditions jusqu'au XVIIIe siècle. La dédicace à la duchesse de Richelieu explique « Madame, quand je n'aurais pas pris la liberté de vous dédier ce petit ouvrage, j'ose vous dire qu'il ne serait pas en votre pouvoir de lui refuser votre protection. Les vers que j'ai choisis pour composer les airs que je vous présente ont été faits dans votre superbe château de Richelieu. Vous en avez le plus souvent fourni la matière. Vous êtes la seule personne que leur illustre auteur ait consulté, et je lui ai entendu dire plusieurs fois qu'il avait souvent profité de vos avis et qu'il n'avait jamais eu bonne opinion de son ouvrage que quand il eut votre approbation. » Tétu est un familier de la duchesse, mais aussi de nombreuses personnalités de premier plan qui partagent une culture commune. Ce sont des personnalités féminines qui, après avoir été dans leur jeunesse des figures des salons parisiens et de la préciosité, se sont tournées vers la dévotion. Plusieurs sont très proches des milieux jansénistes. Les séances chrétiennes de Tétu, essentiellement centrées sur la thématique du refus du monde, hein, et je rappelle que Tétu faisait régulièrement des retraites chez l'abbé de Rancé, hein, des retraites très très sévères, alors qu'il était considéré comme un abbé mondain. Hein. Les nombreuses pièces liminaires des différentes éditions, et surtout le style musical de Bassilly, qui par l'usage de l'ornementation et des préludes vocaux non mesurés vise à provoquer une émotion de l'ordre du ravissement, tendent à favoriser l'assimilation du salon à la retraite. En ce qui concerne les cantiques spirituels de Racine, publiés à la fin de 1693 et mis en musique par Moreau et Lalande, ils ont été étroitement liés au milieu de la cour. Racine jouissait à ce moment-là d'un prestige exceptionnel. Et la commande émane sans doute de Madame de Maintenon. Ils ont été composés initialement pour plusieurs voix et symphonies. Je rappelle la préface. « Sa Majesté, que la piété accompagne jusque dans ses moments de récréation, s'est longtemps réservé ses cantiques et la voix de l'auteur pour les lui chanter. Mais enfin, Sa Majesté n'a pu se défendre d'en faire part à Messeigneurs les princes et à quantité de gens de vertu qui les ont entendus et qui en demandèrent des copies avec empressement, surtout aux dames et demoiselles de la maison royale de Saint-Cyr. » C'est une préface qui a été rajoutée à la réédition de 1699, j'insiste. Le recueil de Racine, qui voulait se débarrasser de la tâche, hein, auprès d'un autre poète, hein, est au service d'une pastorale menée par Madame de Maintenon et de son entourage. Dans le cas de Bassilly, comme dans le cas de Racine et des cantiques de Moreau, l'œuvre est pensée initialement en concurrence au genre profane, dans une perspective de politico-religieuse, de conversion du monde et particulièrement des élites. L'identité forte du genre repose sur un foyer concret, localisé, mais qui n'est pas exempt d'une dimension fantasmatique. Le salon est considéré comme l'idéal de la retraite mondaine. La cour des votes est assimilée à Saint-Cyr. Dans les deux cas, la diffusion du répertoire hors de ce foyer correspond à une perte d'identité importante du genre. Dans le cas des cantiques, la diffusion du répertoire hors de ce foyer correspond à une perte d'identité du genre. Les éditions par Balla en 1695 des cantiques de Moreau sont sans symphonie et nous ne connaissons pas, hein, la version à plusieurs voix et symphonie qui était jouée devant le roi, hein, et qui était la version initiale. Et les recueils sont associés à un ensemble d'autres recueils de musique spirituelle dont plusieurs ont été composés pour Saint-Cyr. Beaucoup de ces recueils sont des formes simplifiées pour une diffusion plus grande. Même chose en fait pour Bassilly, hein. Ces airs ont été recopiés, réédités sans les doubles, hein, et l'ornementation notamment a été supprimée. Quelques mots de conclusion. En quoi la différence entre les deux cas étudiés, motet et musique spirituelle, peut nous aider à comprendre la dynamique entre foyer et genre ? La transposition du motet de l'église ou de la retraite des votes à celui où s'incarne une communion esthétique médiatisée, des lieux à la fois symboliques et institués, a modifié en profondeur le système de valeurs auxquelles ils étaient initialement associés. Au contraire, la diffusion de la musique spirituelle de Bassilly ou de Moreau hors de leur foyer d'origine les a ramenés en quelque sorte, ou plutôt les a dissous, dans la production traditionnelle de la musique spirituelle. Il me semble que cette différence s'explique par les systèmes de valeurs très différents que portaient initialement ces genres. Dans le système hiérarchique des genres, façonné par le rapport de chaque élément au noyau identitaire de la monarchie française, Dieu, le roi et la nation, le motet occupe une place secondaire par rapport à la messe et plus encore par rapport au motet à grand cœur. Au contraire, la musique spirituelle envisagée ici est au cœur de l'identité culturelle de la société française de la fin du siècle, de son roi, de ses élites, de sa langue et de sa sensibilité religieuse. Et c'est pourquoi sa transposition s'accompagne d'une perte d'identité. Cette différence explique que le motet, par sa position hiérarchique inférieure, et peut constituer le véhicule privilégié d'une mutation de sensibilité et contribue à l'adoption progressive par l'Église d'une position plus ouverte face à la question du plaisir musical. Je vous remercie.